Section 47 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Jehan. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 3e. Formation des grands États, 1270-1492, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 11, deuxième partie, Conditions politiques, les mécènes, par André Berthelot. Centres littéraires et artistiques du XVe siècle. Le mouvement de la Renaissance, créé en Toscane, principalement à Florence, par les poètes philologues du XIVe siècle, s'étendit rapidement à toute l'Italie. Tandis que l'Allemagne était en proie à l'anarchie, la France, l'Angleterre, l'Espagne, ravagées par des guerres atroces, l'Italie ne connaissait que les combats relativement inoffensifs des condottieri. Sa prospérité matérielle souffrait peu des révolutions pourtant fréquentes. En outre, l'ensemble des conditions politiques était favorable à la Renaissance. Dans la Toscane, l'Ombrie, la Romagne, la basse vallée du Pô, se trouvaient de nombreuses cités, aux territoires limités. La vie y était très active. L'instabilité politique maintenait les esprits en tension perpétuelle. Plus encore que le régime républicain, la tyrannie fut favorable aux idées nouvelles. Les tyrans représentaient un pouvoir d'origine récente, sans ancêtre, sans tradition gouvernementale. Pas de noblesse héréditaire qui séparât le souverain du peuple. Au XVe siècle, à peine voit-on de différence entre le bâtard et le fils légitime. Les chefs qui s'étaient élevés et se maintenaient par leur capacité devaient naturellement offrir à l'aristocratie intellectuelle la place vacante. Pressés de jouir de la vie, amoureux de luxe et de belles choses, ils donnèrent de l'ouvrage aux artistes, les admirent dans leur intimité ainsi que les écrivains. À côté des tyrans, la noblesse, qui ne s'était pas isolée dans ses châteaux, mais réunie dans les villes aux bourgeois, eut tout le loisir de se faire une vie de luxe et de plaisirs délicats, analogue à celle des citoyens riches ou aisés. Non seulement on méprise la sauvagerie des nobles chasseurs de France et d'Allemagne, mais on affirme volontiers que la seule noblesse est celle du mérite personnel. Pour se faire valoir dans une telle société, il faut se cultiver avec grand soin. Les raffinements extérieurs, une toilette élégante et à la mode, le beau langage, sont des causes de supériorité. Dans les salons, les dames donnent le ton. Ainsi se forme le type de l'homme du monde, du dilettante. La Renaissance n'a pas seulement perfectionné l'idéal de culture individuelle. Elle a créé un milieu intellectuel où dominaient les vues esthétiques ou rationnelles. Bien que les conditions politiques aient été analogues dans toute l'Italie, il s'en faut qu'elles aient partout également favorisé la Renaissance et que tous les États y aient pris la même part. Le premier rang appartient à une cité, Florence, qui eut une importance exceptionnelle aux origines et dans l'épanouissement de la Renaissance. Plus tard, elle la partagea avec Rome, qui n'eut pas de rôle initiateur, mais centralisa le mouvement. Au second plan viendraient Naples et Milan, Venise et les cités vassales, Urbain, Rimini, Ferrare, Mantoue, etc. Florence, les Médicis. L'histoire de la Renaissance italienne est surtout jusqu'à la fin du XVe siècle l'histoire de Florence. Cette ville dut sa supériorité au génie particulier de la race, dont le dialecte est devenu la langue littéraire de l'Italie. Dante, Boccace, quoique à demi-parisien, Pétrarque, quoique né à Arezzo, Machiavel, Brunellesco, Donatello, Léonard de Vinci, Michel-Ange, les plus profonds penseurs, les plus grands écrivains, les artistes les plus géniaux de la Renaissance, étaient florentins. La population avait conscience de ce rôle et voulait avoir les plus beaux monuments de l'Italie. Jamais les mœurs publiques ne furent plus favorables à la culture artistique et intellectuelle. Plus que les autres, les Médicis qui étaient à la tête du gouvernement contribuèrent à encourager les arts et les lettres. les Médicis ont mérité, aussi justement qu'Auguste et Louis XIV, de donner leur nom à leur siècle. Le fondateur de la dynastie, Cosme, 1389-1464, eut une véritable passion pour les constructions. Il fit bâtir une série de villas et de palais, l'église Saint-Laurent, le couvent de Saint-Marc. Ses architectes furent Michelozzo et Brunellesco. Son sculpteur, Donatello. Il fit même bâtir hors de Florence, à Rome et jusqu'à Paris. Il vivait dans sa villa Careggi, s'entourant d'humanistes et d'artistes avec qui il aimait à s'entretenir, les traitant en intime. Marsile Ficin, Leonardo Bruni, Le Poge figuraient dans ce cénacle. Quand le concile de Florence eut attiré Gemiste Pléthon, Cosme figura parmi les auditeurs du célèbre platonicien. Il restait chrétien toutefois, se faisait représenter en roi mage dans l'adoration de Botticelli, aujourd'hui aux offices. Quand il improvisa une bibliothèque pour sa maison de la Badia des Fiesole et engagea 45 copistes à la fois, la majorité des 200 manuscrits qu'il rassembla étaient des livres pour le service du cœur ou de littérature religieuse. Les autres grands de Florence, Strozzi, Rossi, etc., rivalisaient avec Cosme, étudiant l'Antiquité, copiant des manuscrits, traduisant du grec. Le fils de Cosme, Pierre, 1416-1469, eut les mêmes goûts. Il était lié avec les principaux peintres du temps. Dans ces jardins de la Villa Careggi fut fondée une des premières académies. Le véritable successeur de Cosme et le plus célèbre des Médicis fut Laurent, dit le Magnifique. 1469-1492. Fils de Pierre et de Lucrezia Tornabuoni. Sa mère était une des femmes les plus instruites de l'époque. Ses poésies religieuses tromperaient sur son caractère si on ne savait qu'elle vit avec faveur le poème de Pulci, si hostile à la religion, au surnaturel, aux prêtres. Elle fut à la tête du mouvement intellectuel et poussa son fils vers le platonicisme. Laurent, qui se trouva à 20 ans le maître de Florence, fut un des plus grands hommes de la Renaissance. Son grand-père, Cosme, n'était qu'un amateur. Lui, par son éducation, était un homme du métier, Muns. Il marqua parmi les rénovateurs de la langue italienne. Ses sonnets en l'honneur de la belle Lucrezia Donati, qui lui avait remis le prix après sa victoire dans le tournoi de 1467, ne sont pas indignes de la comparaison avec les sonnets de Pétrarque. Épicurien, aimant la musique, le vin, les femmes, mais sans excès, aimable, éloquent, d'un esprit clair et subtil, bref dans le discours, rapide dans l'action, Laurent le Magnifique fut un des hommes accomplis du XVe siècle. Par le développement harmonique de ses facultés, la largeur et l'indépendance de ses vues, il était dégagé de tout préjugé religieux. À un de ses amis qui le matin lui disait « Je viens de prier et d'entendre la messe », il répondit « J'ai beaucoup mieux employé mon temps, j'ai dormi et rêvé ». À la cour de Laurent, on trouve des représentants de toutes les branches de l'esprit humain. Mathématiciens, géographes, médecins, philosophes, érudits, historiens, littérateurs, architectes, sculpteurs, peintres, graveurs, etc. Le dictateur favorise les artistes. Il donne du travail aux peintres, à Poleaggiuolo, à Ghirlandaggio. Il aime plus encore les sculpteurs, rassemble une collection d'antiquités admirables, établit dans les jardins de son palais une école où se forma Michel-Ange. Les autres grandes familles de Florence, alliées ou opposées aux Médicis, suivent leur exemple. Les Strozzi, les Rucellai, les Tornabuoni, les Martelli, les Pitti multiplient les commandes aux architectes, aux sculpteurs, aux peintres. Le pouvoir officiel, la seigneurie, agit de même. La reconstruction de la cathédrale, la commande des statues de San Michele, la décoration du palais vieux attestent son zèle. Les corporations des fabricants de lainages et de soieries ont fait achever les portes du baptistère, chef-d'œuvre de Ghiberti. Les couvents suivent la tendance générale et s'embellissent d'une foule de tableaux et de fresques. Beaucoup de commandes ont été exécutées après des concours où le jugement des bourgeois florentins témoigne de la sûreté de leur goût. Toutefois, la haute culture florentine fut mise en péril à la fin du XVe siècle par la violente réaction religieuse que dirigea Savonarole. Les papes, on sait l'intelligence et le goût éclairé des papes d'Avignon, leur luxe et leur amour des belles œuvres. Le grand schisme rompit la tradition. Martin V, 1417-1431, travailla à la restauration de Rome, très éprouvée au XIVe siècle. Il y appela des peintres comme Masaccio et Gentile da Fabriano. Mais rien de ce qui fut exécuté alors ne reste. Eugène IV vécut longtemps à Florence, dont il put ainsi apprécier les lettrés et les artistes. Il commanda à Filarete les portes de bronze de Saint-Pierre, à Fra Angelico les fresques de la chapelle du Saint-Sacrement. Nicolas V, 1447-1455, fut un des hommes les plus remarquables du siècle. C'était un pisan, né en 1398, du nom de Thomas Parentuccelli. Fils d'un chirurgien, il fut tour à tour maître d'école, secrétaire, bibliothécaire. Savant laborieux et besogneux, il entra dans les ordres, fut amené à Florence par le cardinal Albergati, son protecteur, pénétra dans le cercle des Médicis, et y fut apprécié pour son admirable mémoire. Devenu cardinal et archevêque de Bologne en 1444, on le chargea de prononcer l'oraison funèbre du pape Eugène IV. Puis, à la surprise générale, on l'élut pour remplacer celui-ci. C'était un éclatant hommage à l'humanisme que cette élection au siège de Saint-Pierre d'un homme qui avait consacré toute sa vie à l'étude. Nicolas V ne songea rien moins qu'à une restauration générale de la ville éternelle. Il ne put exécuter qu'une partie de son vaste programme, la restauration des basiliques, le commencement de la nouvelle église de Saint-Pierre, l'agrandissement du palais du Vatican. Il fit de Rome le centre du mouvement intellectuel et esthétique. Reprenant la tradition des papes d'Avignon, il déploya un grand luxe et fit venir de partout de superbes pièces d'orfèvrerie, de la vaisselle, des vases précieux, des ornements sacrés, des tapisseries. Il appela, pour décorer le Vatican, Fra Angelico, Gozzoli, Piero della Francesca, dont plus tard la jalousie de Raphaël fit détruire les chefs-d'œuvre. Un des conseillers du pape fut Léon Baptiste Alberti, 1404-1477. Architecte et écrivain d'art remarquable, très admiré de son temps pour l'universalité de ses connaissances, ce pape protégea le libre penseur Laurent Valia, 1407-1457. L'occupation favorite de Nicolas V fut la création de la Bibliothèque Vaticane, dans laquelle il avait rassemblé 5 000, on a même dit 9 000, manuscrits. Elle fut dilapidée par son successeur Calixte III, 1455-1458, un Espagnol, le premier des Borgia. Pie II, 1458-1464, plus célèbre sous son premier nom d'Aeneas Silvius Piccolomini, né près de Sienne en 1405, élevé à Sienne et à Florence, vécut d'abord de sa plume. Il fut un des premiers élèves de la Renaissance, tout imprégné de son esprit, amateur éclairé, presque aussi favorable au gothique qu'à l'art nouveau. Il bâtit le palais Piccolomini à Sienne, la ville entière de Pienza. Parmi ses écrits, le plus curieux est un roman, Euryale et Lucrèce, charmant récit de l'amour d'un jouvenceau et d'une femme mariée. Les titres sérieux d'Aeneas Silvius sont nombreux. Une cosmographie, qui n'est qu'une géographie de l'Asie, une description de l'Europe, où se trouve cette phrase curieuse et prophétique, « Là coule l'Asprey, fleuve comparable au Tibre, au bord duquel est Berlin. » Ces deux traités témoignent d'un profond sentiment de la nature. Nul n'a mieux goûté le charme d'un beau paysage. Ces mémoires, « Commentari rerum memorabilium quae temporibus suis contigerunt », écrits en un latin élégant, sont fort intéressants. De même son histoire de Frédéric III, inachevée puisque l'empereur survécut 30 ans à son biographe. Pie II eut la passion des antiquités. Dans ses dernières années, malgré la goutte, il se faisait porter à travers les champs et les montagnes, relevant les voies romaines, les aqueducs, étudiant le territoire et les frontières des peuples d'autrefois. Aeneas Silvius dut surtout sa réputation à son éloquence. Simple laïc, on le fit prêcher au concile de Bâle. Cependant, comme mécène, il reste inférieur à Nicolas V. Ce dernier n'écrivait pas, se contentait de lire, pour s'instruire et se divertir, et de protéger écrivains et artistes. Pie II, écrivain lui-même, désireux d'instruire et d'intéresser les autres, témoigna une bien moindre sollicitude à ses confrères et émules. Pour les artistes, il se montra peu généreux, se contentant d'admirer, sans acheter. La simplicité de ses goûts et son économie effrayaient son entourage. Il défrayait 270 personnes par jour avec 7 ducats. Paul II, 1464-1471, était un barbeau, né à Venise. Il savait peu de latin, ne parlait que l'italien. Il continua l'œuvre de ses glorieux prédécesseurs, mais se montra beaucoup plus ami des artistes que des littérateurs. Il réunit une belle collection de bijoux, de bronzes et de pierres gravées de l'Antiquité. Disputant les belles pièces aux Médicis dans toute l'Italie, il profita de son élévation à la papauté pour compléter une collection dont le catalogue nous étonne. À Rome, il restaura les arcs de Titus et de Septime Sévère. Pourtant, ce Vénitien a été traité de barbare. La cause en est dans son hostilité pour les humanistes comme champion des idées nouvelles. S'il réorganisa l'université de Rome, ce fut au profit de la théologie. Il persécuta les platoniciens. Au carnaval de 1468, il en fit arrêter une vingtaine, membres d'une académie que présidait Pomponio Leto et qui copiait l'organisation du clergé chrétien. Parmi ceux-ci était Platina, qui se vengea en flétrissant Paul II dans sa biographie des papes. Sixte IV, 1471-1484, bien que peu instruit lui-même, eut le respect de la science et de l'art. Il donna tous ses soins aux archives et à la bibliothèque du Vatican, accrut celle-ci par des achats et y préposa Platina, qui dut aussi classer les archives. Sixte IV se montra favorable à l'imprimerie. S'il vendit les collections de son prédécesseur, il édifia et restaura un très grand nombre de monuments. Jamais on n'a autant bâti à Rome, le grand hôpital, une vingtaine d'églises, la chapelle Sixtine, la fontaine de Trevi. Innocent VIII, 1484-1492, ne se signala guère que par sa passion pour les joyaux. Après lui, les Borgia, qui étaient des Espagnols, employèrent le personnel de la Renaissance comme ils eussent fait d'un autre. Mais, consciemment ou non, ils ont exercé une influence considérable. La protection des papes a maintenu aux arts, à la peinture, son caractère religieux. Ils ont, par leur rôle de mécènes, donné l'exemple aux hauts clergés, non seulement d'Italie, mais de toute l'Europe. Aussi sont-ils à juste titre honorés au premier rang des fauteurs de la Renaissance. Nicolas V, qui créa cette tradition, a fait autant pour elle, plus peut-être que les Médicis. Cela est d'autant plus remarquable qu'il n'y eut jamais d'art romain. À Rome, peintres et architectes viennent de Florence, d'Ombrie, de Lombardie, les lettrés, de partout. Naples. Autant le romain est lourd, abruti par la servitude et la fièvre, autant le napolitain est vif et comprend facilement. Naples n'eut cependant pas d'école artistique, car ses esprits trop mobiles sont incapables de discipline. Le grand roi de Naples est Alphonse le Magnanime, 1442-1458. Il témoigna surtout sa libéralité aux littérateurs qu'il aimait entre tous. Il se faisait constamment lire l'Énéide et les commentaires de César. Il fit traduire les auteurs grecs, forma une bibliothèque, un cabinet des médailles. Il reçut avec les plus grands honneurs Philelpho, Aena Silvius. Il protégea Laurent Valla. Il envoya de jeunes napolitains faire leurs études à Paris. Il fonda, dès 1442, l'Académie Alphonsine, peut-être la première des temps modernes. Des anecdotes curieuses attestent sa passion pour les lettres. La lecture de Quinte-Course le guérit d'une maladie. L'envoi d'un exemplaire de Tite-Live le décide à donner la paix à Cosme de Médicis. Amateur très éclairé, il commença beaucoup de monuments, sans d'ailleurs en achever aucun, non plus que ses successeurs. Son fils Ferdinand, 1458-1494, réputé pour son atroce cruauté, continua un peu la tradition paternelle, s'occupa de la bibliothèque, protégea des lettrés, parmi lesquels Constantin Lascaris et Saint-Nazaire. Il fit surtout des dépenses de luxe, achetant des bibelots, des armes, des étoffes, des meubles, des objets rares de toute espèce. Sur le tard, l'influence de Laurent le Magnifique agit sur lui. Il favorisa les artistes, en appela un grand nombre. Les guerres sanglantes qui désolèrent Naples y arrêtèrent l'essor de la Renaissance. Plusieurs des artistes qui y étaient venus passèrent en France. Milan. Le premier des souverains de Milan chez qui nous trouvions la préoccupation esthétique bien marquée est Jean Galeas Visconti, 1385-1402, celui que sa famille méprisait pour ses goûts scientifiques et religieux. Il acheva le magnifique palais de Pavie, où il installa une belle bibliothèque et une belle collection de reliques. Le rapprochement est instructif. Jean Galeas est le fondateur de la Chartreuse de Pavie et du Dôme de Milan, le constructeur du Naviglio, grand canal d'irrigation. Son second fils, Philippe-Marie, 1412-1447, enfermé dans son château de Milan, tandis que Sforza guerroyait pour lui, s'entourait d'un grand luxe. Il était adonné aux superstitions astrologiques et religieuses. Il lisait à la fois les romans français, les poésies italiennes, les auteurs anciens. Les Sforza furent les dignes successeurs des Visconti. François, 1450-1466, bien qu'illettré, fit donner à ses enfants la meilleure éducation. Filelfo lui prépara une Sforziade, qui devait avoir 12 800 vers. 6 400 seulement furent écrits. Philarète, le plan d'une ville à la construction de laquelle on eut attelé à la fois 103 200 ouvriers. Galeas Marie, 1466-1476, qui se piquait d'être un orateur, en latin bien entendu, fut victime de ses amis les humanistes. Des disciples de l'humaniste Colas Montano, exaltés par l'exemple des républicains de l'Antiquité, tuèrent le tyran. Le mobile de ce meurtre fut, chez les trois jeunes conjurés, le désir de s'illustrer. Il fut commis platoniquement, pour l'amour de l'art, en quelque sorte. Ludovic Lemort était très cultivé. À 11 ans, il prononçait des harangues latines. Il attira à lui, à sa cour de Milan, à son université de Pavie, artistes et lettrés. Il ne les traitait pas d'égal à égal comme les Médicis, mais en prince. Les plus célèbres furent Bramante et Léonard de Vinci. Venise. Venise est restée à peu près en dehors du mouvement général de la Renaissance, du moins au XVe siècle. Elle n'y entra qu'au XVIe, après le déclin de sa puissance politique. En effet, tant que la politique et le commerce absorbèrent toute l'activité des Vénitiens et tous les soins de l'aristocratie gouvernante, il n'y eut guère de place pour les humanistes. Ceux qui vinrent à Venise, comme Filelfo et Georges des Trébizondes, ne tardèrent pas à repartir. Pour là, Venise avait une tradition propre, qui dès le milieu du Moyen-Âge l'avait dotée de monuments d'une rare élégance. La richesse des patriciens leur permit de se construire une quantité de palais, de remplir les églises de sculptures et de tableaux, d'y placer de magnifiques tombeaux. Parmi ces œuvres, le XVe siècle peut revendiquer quelques-unes des plus belles. La délicieuse façade de l'église de Saint-Marc, 1485, les tombeaux de Mocenigo et de Vendramine, la statue équestre de Colleone par Verrocchio, les tableaux de Giovanni Bellini, 1427-1516, le plus puissant peut-être des peintres vénitiens. Venise devait à sa richesse et à ses relations avec l'Orient un immense avantage. Il s'y forma des collections incomparables de monnaies et de médailles, de pierres gravées, de bronzes, d'antiquités de toutes sortes, de manuscrits souvent enluminés avec luxe. Ces collections, rassemblées par des gens d'un goût peu sûr, n'en fournirent pas moins une ample matière aux amateurs et aux artistes. Pétrarque avait légué à Venise sa bibliothèque, qui fut négligée, presque détruite. Bézarion lui légua ses 900 précieux manuscrits, ses 300 incunables, 1468. Ce trésor attira dans la ville Aldemanutse, 1449-1515. Halde est le premier des imprimeurs érudits qui furent une des gloires de la Renaissance. Né à Rome, élevé par le prince de Carpi, lié avec Pic de la Mirandole, il se passionna pour le grec et vint se fixer à Venise. Il y organisa son imprimerie, forma à grand-peine ouvriers et correcteurs, mourut pauvre, plus apprécié des érudits allemands, Reclin, Celtes, que de ses compatriotes. Il imprima non seulement les auteurs anciens, mais Dante et Pétrarque. À ce moment, le progrès littéraire gagnait Venise, où les poètes latins et italiens se multipliaient. Les petites cours. Dans les petites cours d'Italie, trois dynasties se sont particulièrement distinguées. Les Gonzague, à Mantoue, les Montefeltro, à Urbain, les Este, à Ferrare. Mantoue, patrie de Virgile, rendait à ce poète un véritable culte et mit au service des admirateurs de l'Antiquité toute l'ardeur du patriotisme local. Il fut aisé aux Gonzague d'y former une cour qui ne fût inférieure aux autres que par de moindres ressources. Les deux plus remarquables sont Jean-François, 1407-1444, qui appela à lui le célèbre éducateur Vittorino de Feltre, et Jean-François II, 1484-1519, celui-ci eut la bonne fortune d'épouser, 1490, Isabelle d'Este. Le marquis et sa femme, unis par une profonde affection, formèrent un couple universellement admiré. Ils aimaient l'un et l'autre la littérature italienne, et Bimbo, l'Arioste, le Tasse, eurent soin de leur envoyer leurs œuvres. Ces grands écrivains n'étaient pas seulement séduits par l'exquise amabilité d'Isabelle. Ils avaient grande confiance en son jugement. Les connaisseurs admirent encore aujourd'hui le tact avec lequel elle forma sa collection d'œuvres d'art. Elle fit faire son portrait par Léonard de Vinci, et deux fois par Titien. Si les finances ne permettaient pas grande libéralité envers les artistes et les lettrés, du moins on leur accordait la liberté la plus étendue. Les fils de Jean-François II et d'Isabelle furent des hommes distingués. Frédéric, plus tard, duc de Milan, 1530, et Ferdinand. La cour d'Urbain dut son éclat à Frédéric de Montefeltro, 1444-1482. Le premier des mécènes du XVe siècle, si l'on excepte Laurent le Magnifique. Il était l'élève de Vittorino de Feltre, qui lui avait prédit « Tucoque Cesar Eris ». Ce condottiere de l'école de Sforza et de Piccinino, toujours guerroyant pour le compte du pape, du duc de Milan, du roi de Naples, ou contre son voisin, le terrible Sigismond Malatesta de Rimini, revenait dépenser dans sa principauté l'argent gagné dans ses campagnes. Ses successeurs maintinrent quelque temps la réputation de la cour d'Urbain. Guidobaldo, 1482-1508, et sa femme, la noble Elisabeth de Gonzague, l'amie de Bimbo et de Castiglione, la protectrice de Mantegna et de Santi, le père de Raphaël. Castiglione a exposé dans son églogue de Tircis, 1506, et dans son Cortegiano, 1518, cette vie élégante et presque idéale qu'on menait à Urbain, reposant sur l'équilibre et l'harmonieux développement de toutes les facultés. La maison d'Este, qui régnait à Ferrare, nous présente un spectacle moins calme que les deux précédentes. Elle a été déchirée par des querelles domestiques sauvages, mais l'État n'en souffrit pas. Il était bien administré. La ville est bâtie sur un plan régulier, comme une cité moderne. Ses quartiers neufs sont alignés au cordeau. La perfection du système économique et financier était enviée dans toute l'Italie. Les ducs Borso, 1430-1471, Hercule, 1471-1505, Alphonse Ier, 1505-1534, sont également dignes d'intérêt en un temps où nul ne se maintenait au pouvoir que par son mérite. Ils ont élevé de nombreux édifices, petits il est vrai, mais les ont terminés. Par leurs commandes, ils ont encouragé des artistes de génie qui exécutèrent pour eux plusieurs de leurs chefs-d'œuvre. Non contents d'améliorer la condition des professeurs de leur université, ils se sont complus en la compagnie des littérateurs comme Bimbo, le correspondant de Lucrèce Borgia, femme d'Alphonse Ier, et des grands poètes italiens, Boiardo, 1434-1494, l'Arioste et le Tasse. Fin de la section 47.